In this third and final dialogue, you'll hear another new word associated with giving and receiving directions. Le carrefour. The crossroads. Listen and repeat. Le carrefour. You'll also hear the word... Sûr. Sure or certain. As in the phrase... Je ne suis pas sûr. Listen and repeat. Je ne suis pas sûr. And now here's the dialogue. Le troisième dialogue. Pardon, monsieur. Oui, mademoiselle. Est-ce qu'il y a un hôpital près d'ici? Un hôpital? Bien sûr. Et pour aller... Ah! Vous voulez aller à l'hôpital? Oui, monsieur. Ah, oui. Eh bien, traversez la rue, oui? Oui. Et prenez la deuxième rue à gauche, oui? Oui. Descendez la rue jusqu'au carrefour, oui? Oui. Au carrefour, tournez à droite, oui? Je tourne à droite, oui? Bon. Et c'est là, sur la droite, je crois. Ou sur la gauche? Non. Maintenant, je ne suis pas sûr. Un instant. Madame, pardon. Oui? Pour aller à l'hôpital. À l'hôpital? Vous êtes malade, monsieur? Moi? Non, je ne suis pas malade. Vous êtes malade, mademoiselle? Oh, non, non. C'est bien. Oui, c'est très bien. Pardon, madame, monsieur. Où est l'hôpital? Ah, c'est assez loin. Mais ce n'est pas difficile. Prenez la première rue à gauche. Non, c'est la deuxième rue à gauche. Non, non, monsieur. Pour aller à l'hôpital, vous prenez la première rue à gauche et puis la deuxième. Non, ce n'est pas possible. Mais si! Prenez la première rue à gauche et puis la deuxième. Descendez la rue jusqu'à la poste. La poste? Le bureau de poste sur la gauche. Il n'y a pas de bureau de poste sur la gauche. Comment? Pardon, madame, monsieur. Il n'y a pas de bureau de poste? Mais non. S'il vous plaît, madame. Well, sometimes, of course, the directions you receive are not quite as straightforward as they could be. Fortunately, George and Hélène had no such trouble with their directions for the bookshop. They soon found it, and in the next dialogue, you'll hear them inside the bookshop. Mais tout d'abord... But first of all...